je me rempire plus ample souvenir. En étant petit, moi je veux partir. Le souvenir qui est rendu de pire en pire. J'suis ben parti pour en finir. En carousel, moi j'ai tourné. Une étincelle s'en est allée. L'essentiel fuit la vérité. J'aimerais bien d'elle pour le souper. Et qu'une ficelle je vais l'attacher. Assis à gré dans mon foyer. Le souvenir qui est rendu bien moins pire. En une demi, moi je veux revenir. Le goût de vivre, y a bien le goût de revenir. J'ai bien parti pour revenir. En carousel, moi j'ai tourné. Une étincelle s'en est allée. L'essentiel fuit la vérité. J'aimerais bien d'elle pour le souper. Et qu'une ficelle je vais l'attacher. Si ça grille dans mon plus ample souvenir. En ligne d'amis, moi je veux revenir. Le fou rire, y a bel goût de revenir. J'pourrais partir avec le sourire.